après tout, tout ce temps passé à vouloir te comprendre. Mais là non, non, là non plus, plus de cris de cauchemar et pitié de moi. De pire en pire sans tes colères, il y a des fois on croirait voir ta mère. Là mon amour, écoute attentivement. Quand on veut, on demande. Crois-moi, c'est pour ton bien. Oh, oh. Non mais là tu le fais vraiment, non exprès. J'aimerais que tu sois sage. Yeah. Et si cette larme sur ta joue, je ne voulais pas que ces mots te blessent. Ne m'en veux pas.